commandeo, mais qui m'ont ouillé, si j'ai épicouté. Aïe, qui ou fait en bas mango, ou à densité, c'est l'histoire qui a roulé. Sous les tropiques, venu d'Afrique, en Amérique, nous c'est des créoles. D'un bout d'Asie, ou de Paris, nous tous c'est des créoles. Bébé, nous c'est créoles. Canouillé, nous c'est créoles. Imité, nous c'est créoles. On est tous des créoles. Songez, nous c'est créoles. Aïe, respect, nous c'est créoles. Nous canouillé, nous c'est créoles. On est tous des créoles. Mélanger mais pas gâter. Ensemble tête collée, faut nous toutes porter.